Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode numéro 52, Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, premier épisode de la deuxième saison, toujours en compagnie du vénérable professeur Fon. Salut Alain. Vénérable, comme tu vas. Salut Mathieu, ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, là on a eu 3 semaines avec les 3 dossiers de Pierre qu'on avait enregistrés en une fois, donc on ne s'est plus parlé depuis 2-3 semaines. On se retrouve, comme d'habitude, pour cette nouvelle saison. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan de la saison 1, très, très vite, hein. Donc, on a fait 51 épisodes classiques, plus un crossover avec scepticisme scientifique, que j'avais pas numéroté, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, ça nous fait 52 épisodes en tout. On a eu 11 invités, Paolo Ricci, Lucille Zand, qui était une invitée au départ, et puis qu'on a accaparé pour les illustrations, Antoine, qui était aussi un invité au départ, et puis qu'on a gardé quelque temps, Lia Rosso, Pascal Dithelme, Jean-Michel Abrassard, Nicolas Gauvry, Marc Montangero, Pierre Kerner, Laurent Miéville et André Kuhn. Donc une belle brochette d'invités, comme on dit. Effectivement, ouais. Ouais, on a eu 6 chroniqueurs invités. Donc, Antoine, Marco, Guillaume Lebrun, Xavier Agnès, Lia Rosso de nouveau, et puis surtout Pierre Kerner avec sa formidable saga du vivant, 3 épisodes qui a bouclé magnifiquement la première saison. Et puis peut-être quelques petites stats sur les chiffres, comme ça a bien progressé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Je ne sais plus d'ailleurs quand c'est qu'on avait parlé des chiffres, c'était pour le dixième Ça ou le fait un vingtième bon bout de épisode, je temps, crois, hein. ouais, ça Ouais, fait un bon bout c'était de il y a temps, ouais. longtemps. Donc l'épisode le plus populaire d'entre tous jusqu'ici, c'est le 18e épisode. C'était à la fois l'interview de Lucille et les constantes fondamentales de l'univers. C'est un dossier que tu avais fait, qui avait été très, très demandé, plébiscité, et puis qui a eu un succès fou, 2683 downloads. Ouais, surprenant. Moi, c'est Ouais. pas le dossier que j'ai fait qui m'a le plus convaincu. Mais bon, tant mieux que si les gens, ça leur a plu, tant mieux. Ouais. Il était suivi de peu par les paradoxes temporels et l'intelligence du poulpe. Par Sa sauf erreur, les paradoxes temporels, c'était Antoine et l'intelligence du poulpe, c'était moi. Donc c'était 2 dossiers dans une seule émission. 2325 downloads. Puis bon, en général, chaque épisode tourne autour de 1300 à 1400 téléchargements, pour donner un ordre de grandeur. On a réussi à produire 2,89 gigas de fichiers MP3. Oui, un beau paquet. Ouais, soit 50 heures, 10 minutes et 9 secondes d'émission. Et puis sur le site, on a près de 6 000 visites mensuelles, avec la France en tête, le Canada, la Suisse, la Belgique. Et puis tout de suite derrière, bon, avec des chiffres beaucoup moins. Enfin, on est plus dans les centaines alors qu'avant on est dans les milliers. On a le Maroc, l'Algérie, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Tunisie, l'Espagne, la Réunion, la Grèce, le Brésil, l'Italie, la Russie, la Polynésie française, la Chine, la Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, il y a 77 pays dans les dernières stats, tout continent confondu, tous les continents sont représentés. C'est épatant. Ouais, effectivement. Je suis en train de voir. Chine, étonnant. Russie, ouais. Ouais, c'est fou, hein. Grèce, c'est fou, ouais. Je sais pas si c'est des francophones expatriés dans ces pays ou si c'est des robots internet qui scannent tous les sites, qui sont passés pour des visites. Aucune idée. Très, très surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait des visites de si loin. Et puis, on a une communauté toujours plus active. On a 200, enfin, on avait la dernière fois que j'ai regardé, c'était avant-hier, 244 fans Facebook avec des contributions permanentes. Si vous n'avez pas l'occasion, chers auditeurs, d'aller regarder souvent notre page Facebook, franchement, allez-y parce qu'on y apprend des trucs. Toutes les dernières news scientifiques, elles sont partagées en général par Olivier Tripet, Xavier Agnès, Forza Pedro, Thibault Lacroix, Didier Fragne pour les derniers. C'est passionnant. On y apprend vraiment plein de choses. C'est facebook.com/podcast. Nous, on n'intervient en fait pratiquement jamais, hein, Mathieu. On aime ce que les gens partagent. Ouais, on est plutôt en mode consultation et lecture de ce que les gens partagent, plus qu'en mode Exactement. participation. Ouais. On a 429 followers sur Twitter. Donc là aussi, l'adresse c'est twitter.com/podcastscience. 520 commentaires sur le site. une fois le spam éliminé. Avec là aussi mention spéciale pour Pierre Kerner qui intervient souvent, Xavier Agnès aussi, Marco, Forza Pedro, Brainfish, John Kalak, Jonathan Penchamings, plus récemment Draculito, Vincent Le Breton, Grindizer, Alges, Mantine, Venom, George X McKee, Schmox, Christophe Michel, François Udrea, Camphis, Jenny Parker, Nicolas Gauvry, Spout, enfin plein de monde qui participe, qui interagit tout le temps. Franchement, un immense merci à chacun d'entre vous. Vous contribuez à faire de ce podcast quelque chose de complètement différent, qui n'existe pas tellement dans le paysage de la vulgarisation scientifique. Et puis, on ne serait pas grand-chose sans vous, sans vos encouragements, sans vos corrections, vos interventions, vos suggestions. Je crois qu'on est vraiment une émission scientifique 2.0 dans ce que ça a de meilleur. Merci, vraiment merci à tous de faire partie de l'aventure. On est gâtés. Ouais. D'ailleurs, merci. J'en profite. Moi, personnellement, je ne vais pas tellement sur iTunes pour les podcasts. J'utilise un autre soft. Mais voilà, pour ceux qui passent par iTunes, pensez de temps à autre à nous faire un petit vote positif pour nous faire remonter dans les listings. Ce serait toujours cool. Ouais, c'est vrai, ça. Tiens, j'y pense pas tellement non plus à iTunes. Mais c'est vrai que ouais, podcast égale iTunes pour l'immense majorité des gens. C'est cool, effectivement, si vous pouvez laisser un commentaire là-bas. Nous, on ne les voit pas forcément, hein. iTunes est segmenté par pays. Moi, je vois l'iTunes Store suisse avec les commentaires suisses. Alors, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Si ça se trouve, il y a plein de commentaires sur l'iTunes français. Toi, tu vois lequel, Mathieu, le suisse ou l'espagnol? Écoute, je n'utilise pas iTunes. Ouais, tu n'utilises pas du tout, d'accord. Non, pas du tout. Et les deux, trois fois où je l'ai ouvert un peu par accident, je n'ai même pas fait attention. Donc, je ne sais pas. D'accord. Bah, si jamais quelqu'un sur France peut nous dire s'il y a des commentaires, s'il y a des choses intéressantes à aller voir, ce serait intéressant. Et puis, bah, on a quelques nouveautés à annoncer pour la saison 2. Alors tout d'abord, bah, ça c'est tout récent, hein, ça s'est fait quoi, avant-hier. On est membre désormais du fameux Café des Sciences. Membre et fier de l'être. Ah bah ouais, on est super fiers, ouais, c'est la consécration. Merci à notre parrain Pierre Kerner, je crois que c'est lui qui a soumis et défendu notre candidature. C'est drôlement sympa. On va tâcher d'être à la hauteur de ce portail absolument magnifique dans lequel on trouve des tas de blogs intéressants. Si jamais c'est café-science.org, donc science au pluriel, on mettra bien sûr le lien dans les notes de l'émission. Et puis sinon sur les autres nouveautés, en toute honnêteté, on a failli passer à un rythme bimensuel parce qu'on commence à avoir du mal, et l'un et l'autre, à tenir le rythme, quoi, à produire tous ces dossiers à une fréquence hebdomadaire. Alors bon, on a trouvé une solution. On va essayer d'en faire un peu moins tout en proposant toujours autant. D'abord, voire on, même on a... plus. Exactement, ouais. Donc, on a le plaisir d'annoncer qu'on a du renfort. Alors, pas à partir d'aujourd'hui parce que y a foot et puis parce qu'il n'a pas grand-chose à dire cette fois. Mais c'est Marco qui était venu nous parler d'évolution. C'était l'évolution face à ses détracteurs, si vous vous en souvenez. Donc, Marco est passionné d'évolution. Puis, il va nous proposer une chronique mensuelle sur l'évolution. Il va tenir cette chronique dans le podcast. Donc, je ne me rappelle plus maintenant à quelle date il arrive. Je crois que c'est début octobre. Ça devrait être, première, ouais, je crois, plus ou moins début octobre. Voilà. Donc ça fait déjà une émission sur trois de régler sans Mathieu et sans moi. La deuxième émission, une émission sur quatre, pardon, régler sans forcément que nous on ait à préparer des dossiers, je voulais dire. On va faire une deuxième émission par mois dans laquelle on recevra un invité. Donc on se débrouille pour trouver un invité mensuel. C'est pas mal de préparation, les interviews, mais c'est quand même moins que la préparation des dossiers. Donc voilà, bah, la semaine prochaine d'ailleurs on aura déjà un invité. Et puis bah, du coup chaque mois il reste que deux épisodes à remplir, puis ça je crois qu'on va, on va quand même s'en charger. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va quand même s'en charger. On va quand même pas tout déléguer aux autres. Voilà, donc on va rester comme avant, on sera une fois toi, une fois moi pour ces deux dossiers mensuels. Donc voilà, rien n'est gravé dans le marbre, on essaye, on verra ce que ça donne. Ça se trouve on va trouver d'autres idées, si ça se trouve vous allez nous donner d'autres idées, on est toujours ouvert à tout, n'hésitez pas. Mais bon, on va essayer un bout comme ça. Ah oui, alors vous dire encore que Lucille reprend du service. Elle avait un petit peu arrêté les illustrations, bah, elle était un peu chargée, elle a déménagé, elle a fait plein de choses. Là, elle a de nouveau un petit peu de temps à nous consacrer, donc elle reprend du service. Elle va proposer en gros une illustration toutes les 3 semaines pour le blog, mais qui ne sera pas forcément en rapport avec un des dossiers du podcast. Ça pourrait aussi être en rapport avec d'autres thèmes qui l'inspirent. Ce sera toujours en rapport avec la science, bien sûr, mais ce sera peut-être de l'actualité. Enfin, on verra, quoi. Une fois sur trois, grosso modo. Et puis, d'ailleurs, en parlant de Lucille, allez voir sur le site, on a refait notre page de présentation. Donc, c'est podcastscience.fm/about, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, hein? Donc Lucille nous a fait des avatars. Alors c'est cool. Si vous voulez vous faire une idée de la tête qu'on a, on est plus beau sur les avatars que dans la réalité. Mais bon, voilà, comme ça, on va faire Non. planer la magie. Mais elle a bien réussi ses caricatures, hein. C'est chouette, Ouais, hein? très bien Ouais, réussi. Bon, c'est vraiment Marco, top. je l'ai jamais vu parce qu'il a aussi son avatar. Je l'ai jamais vu, donc je peux pas juger sur la fidélité du croquis, mais en tout cas pour toi et pour moi, je crois que c'est assez réussi, hein. Ouais. Et puis, il y a l'avatar de Lucille aussi, si vous voulez vous faire une idée de sa tête. Alors, Lucille, on ne l'a jamais rencontrée dans la vraie vie non plus. Il faudra qu'on pallie ce problème une fois qu'on se rencontre pour de vrai. Bon, elle est en Italie, Lucille. Ça aide pas. Toi, tu es en Espagne, Lucille en Italie, Marco en France et moi en Suisse. Ouais, ça fait une jolie brochette, hein. On est un podcast de plus en plus international. Sinon, dans les projets bon, qu'on a évoqués, encore sans rien concrétiser, on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire des lives pour les interviews, histoire que les auditeurs puissent poser des questions en direct à nos invités. Bon, on n'a pas vraiment prévu de le faire pour la semaine prochaine, puis on n'a pas prévenu notre invité non plus qu'on risquait de le faire. Donc, ce sera à partir du mois d'octobre, je dirais qu'on va essayer si on trouve une bonne solution technique. Ce serait sympa. Et puis, dernière chose. Dans les nouveautés, on lance officiellement un appel à coup de main. Si vous avez du temps à disposition, si vous avez envie de donner un coup de main pour le podcast, que ce soit pour des retranscriptions d'interviews, que ce soit pour améliorer le site web, ce serait sympa de refaire une home qui mette un peu en valeur les dossiers. On saurait le faire, mais on n'y arrive pas. Vraiment, on a juste pas le temps. C'est pas dans les priorités. Donc, si quelqu'un parmi vous a envie de donner un coup de main puis a ces compétences-là, bah on est plus couvert. Ce serait génial, quoi. Ce serait vraiment excellent. Ben, à propos d'appel à participation, j'en profite car Didier Frey nous a proposé de créer une liste des livres qu'on a lus, qui nous ont plu, dont on a parlé. Et bon, on s'est dit que c'était une bonne idée. Le problème, c'est que voilà, on ne sait pas tellement comment s'y prendre non plus pour lister tous nos livres et tout ça. Lui, Didier Frein, nous a déjà proposé quelques livres. Alors je vais les citer comme ça en vitesse. Le doigt de Galilée, 10 grandes idées pour comprendre la science de P. Atkins. Je sais pas si tu le connais ce livre, Non, francophone, non? je connais pas. Et un autre livre qu'il nous recommande, c'est Indispensable physique et mathématiques pour tous. Alors voilà. Il nous a proposé quelques livres. Il propose qu'on complète tout ça. C'est vraiment une bonne idée. Toi, tu as une idée comment on pourrait s'y prendre, professeur Fon? Écoute, moi j'ai exploré un petit peu. Je me disais qu'un wiki, ça pourrait être sympa, histoire que chacun puisse contribuer directement. Mais j'ai essayé de trouver des extensions wiki pour le site. Il y a rien de terrible. Donc non, je sais pas. Il y a peut-être des services en ligne sur lesquels on pourrait partager nos bouquins. Alors, ça vaudrait la peine de creuser un peu. Ou autrement, si quelqu'un veut bien collecter l'information, la recueillir. Moi, je partage volontiers tous mes livres. Ils se trouvent d'ailleurs sur un site qui s'appelle, je ne sais plus comment, goodreads.com. On peut les exporter facilement, donc ça, c'est pas tellement un souci. Par contre, le souci, bah, c'est de les mettre sur le site, de mettre une jolie mise en page, etc. Donc voilà, c'est soit un appel à un webmaster qui se charge de ça, ou un appel à quelqu'un qui connaît une solution en ligne pour le faire facilement. J'ai pas d'autre idée à ce stade, mais je suis sûr que c'est une très bonne idée que de partager nos livres. On va continuer à y réfléchir et voilà. Si ça vous intéresse de participer un peu plus avec nous, ben vous êtes les bienvenus. On s'organisera pour voir comment on peut faire tout ça. Yep. Et puis en parlant de participation de la part des poditeurs, juste dire un immense merci pardon, à Draculito qui a retranscrit l'interview d'André Kuhn. Ça représente 11 pages dans Word, pour vous donner une idée, c'est un boulot monstrueux. Il a dû faire quelques reformulations en plus, parce que ouais, y a des choses qui passent à l'oral, qui passent pas à l'écrit. Si on veut que ce soit agréable à lire, y a un minimum d'adaptation à faire. Bah c'est vraiment cool. On n'aurait jamais eu le temps de faire ça nous-mêmes. Draculito, du coup, connaît le dossier à fond. Ça lui a donné quelques idées de questions qu'il a adressées à André Kuhn par voie de commentaire. André Kuhn y a répondu. Donc, on a un complément à apporter. On n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui. Peut-être qu'on le traitera la semaine prochaine. Mais en attendant, vous pouvez aller voir l'échange sur le site. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est dans les notes de l'émission. Numéro 45, Dans les commentaires, c'est non? ouais, les commentaires de la note de l'émission qu'on trouve cet échange avec André Kuhn, et puis évidemment, vous trouvez la retranscription en ligne, elle est dans les derniers billets du podcast. Donc, une fois encore, merci à Dracudito, et puis ben, merci d'avance à tous les autres qui seraient prêts à se livrer à ce genre d'exercice. Pour le moment, on a deux retranscriptions d'interviews disponibles sur le site, et puis on a dit qu'on a eu 11 invités. Je vous laisse faire le compte. Il y aurait pas mal de choses à retranscrire encore s'il y a des gens motivés. Surtout, n'hésitez pas, quoi. Vous savez où nous contacter. Très bien. Suite à cette introduction et à cette nouvelle saison qui s'entame, tu nous as concocté un petit dossier, professeur Fun, aujourd'hui. Ouais, alors petit, je sais pas, ça devait être un petit dossier. L'idée, c'était de faire un sujet qui sorte un petit peu de la biologie et de l'évolution, parce qu'on a eu pas mal de sujets, pas mal de podcasts, pas mal d'émissions ces derniers temps sur ce type de sujet. Et puis toi, tu vas bientôt nous faire un dossier sur les langues, enfin, l'évolution des langues dans une perspective un peu évolutive, d'après ce que j'ai compris. Bon, sous différentes perspectives, le langage chez l'humain, il y aura différentes D'accord. perspectives. Mais ça va être un gros dossier, ouais. Donc là, bah, on s'est dit que j'allais faire un petit truc complètement différent. Il s'agit de parler des graisses alimentaires. Ça devait être un petit truc, mais finalement, le sujet est tellement vaste que c'est quand même un Que assez tu gros t'es dossier. emballé, non? Je me suis un petit peu emballé, ouais. Bon, je suis content. Il y a des choses que je ne comprenais pas avant. Je sais pas toi, quand on parle des différents types de graisses alimentaires, Ouais, moi non, je moi m'en... je mélange tout, je mélange tout. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est la même chose. Je me rappelle juste que les oméga 3, c'est bien, que les graisses animales, c'est mal, que les graisses végétales hydrogénées, les acides gras trans, c'est pas terrible non Mais plus, entre que les l'huile. polysaturés, polyinsaturés, poly je ne sais quoi. Ouais, exactement. Ouais. Saturé, monoinsaturé, polyinsaturé, t'as le bon, le mauvais cholestérol. Moi, j'étais juste complètement paumé. Ouais. Voilà. Bah, ça va mieux depuis ma petite investigation. Et puis, bah, je me réjouis de partager mes découvertes avec toi et avec nos auditeurs. Alors, pour commencer, je vais parler un petit peu de l'importance des graisses pour le métabolisme. Enfin, même avant de parler de métabolisme, on peut carrément parler du vivant. On l'a vu avec Pierre Kerner lorsqu'il évoquait l'origine de la vie, il y a un mois, dans le premier volet de son dossier sur l'arbre du vivant. La soupe primordiale était bourrée de lipides et on en retrouve aujourd'hui, depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui, dans les membranes des cellules de tous les êtres vivants. En résumé, pas de gras, pas de vie. C'est aussi simple que ça. Et dans les organismes complexes, nous autres, par exemple, bah, les graisses assurent diverses fonctions. Une fonction de stockage d'énergie, donc les triglycérides ou tricylglycérols sont stockés dans les tissus adipeux. C'est une des formes de stockage d'énergie chez les animaux. On verra un petit peu plus loin dans le dossier, dans le détail, ce que c'est que ces fameux triglycérides. On sait que les adipocytes ou les cellules grasses sont spécialisées dans la synthèse et la dégradation en permanence de ces triglycérides, pardon, et qu'elles sont contrôlées par l'activation hormonale d'une enzyme nommée lipase, avec un lien dans le dossier sur un petit article pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces choses-là. On sait que l'oxydation complète d'acides gras fournit une énergie extraordinaire de l'ordre de 9 kilocalories par gramme, à comparer aux 4 kilocalories seulement fournies par la dégradation des hydrates de carbone, c'est-à-dire des sucres et des protéines. Donc bon, ça c'est pour les fonctions qu'on connaît tous, qui nous vaut des bourrelets et autres poignées disgracieuses qui font la fortune des cliniques de chirurgie esthétique. Mais les graisses assurent d'autres fonctions essentielles dans l'organisme. Il y a une fonction de signalisation, par exemple. Donc le gras, c'est pas juste des tissus mous qui traînent par là, qui servent de réserve. Les recherches de ces dernières années ont mis le doigt sur ce qu'on appelle les signaux lipidiques. C'est un élément essentiel des signaux cellulaires. Donc c'est par ces messagers que les cellules communiquent entre elles. On va pas entrer dans le détail ici. C'est un peu un rôle similaire à celui des protéines. Oui, enfin, faut attention avec les comparaisons. Mais effectivement, ce n'est pas le rôle passif qu'on imaginait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un tas de graisse qui est posé là en attendant de servir à quelque chose. Il y a effectivement des fonctions actives dans les cellules grasses. Puis il y a d'autres fonctions, on n'y pense pas forcément dans ces termes, mais les vitamines A, D, E et K ont également besoin de graisse pour être métabolisées. D'ailleurs, ces vitamines elles-mêmes sont des lipides. Elles sont stockées dans le foie et les tissus adipeux. Et elles sont essentielles, comme toutes les vitamines, c'est-à-dire qu'elles sont indispensables à l'organisme et que ce dernier est incapable de les produire lui-même. Une carence totale en vitamine A, par exemple, empêche la croissance et peut rendre aveugle. Les carences en vitamine D entraînent le rachitisme, en vitamine E, la stérilité et l'anémie du nouveau-né, en vitamine K, des hémorragies. Enfin bref, c'est important, toutes Petite ces choses-là. Ouais. question, donc si j'ai bien compris, ces vitamines dont tu as parlé sont elles-mêmes des graisses qui sont métabolisées par d'autres graisses. Exactement. Ouais. Il faut un environnement gras pour qu'elle puisse être absorbée par le métabolisme. L'article fat de Wikipédia, dans la version en anglais, indique en outre que les lipides peuvent servir de zone tampon pour les substances toxiques présentes en trop grande quantité pour être absorbées par le flux sanguin. Donc ça permet de protéger les organes vitaux jusqu'à ce que les substances puissent être soit métabolisées, soit éliminées par les selles, l'urine, le sébum ou les cheveux. Bon, la section de l'article en question cite aucune référence et j'ai pas eu le temps de creuser sur ce sujet en particulier, donc à prendre avec des baguettes. Mais dans tous les cas, je pense que le message un peu simpliste qu'on entend souvent, qui revient à dire il faut éviter les graisses, est complètement erroné. On s'en doutait un petit peu. Mais bon, dans l'autre sens, l'abus de graisse alimentaire pose également un vrai problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé publique, l'OMS, je cite, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que de toute autre cause, y compris le cancer. On estime à 17,1 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 29% de la mortalité mondiale totale. Et parmi ces décès, on estime que 7,2 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne, c'est-à-dire des angines de poitrine et des infarctus du myocarde, le petit nom de la crise cardiaque, et 5,7 millions à un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, ou encore une attaque cérébrale. Ça, c'était des stats qui datent un peu, hein, de 2004. Mais où ça devient intéressant et en rapport avec le sujet, c'est que sur les causes, l'OMS donne les indications suivantes. Les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux sont généralement des événements aigus et sont principalement dus au blocage d'une artère empêchant le sang de parvenir au cœur ou au cerveau. Leur cause la plus courante est la constitution d'un dépôt gras sur les parois internes des vaisseaux sanguins alimentant ces organes. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent aussi résulter du saignement d'un vaisseau sanguin cérébral ou de caillot. Donc il y a plusieurs causes possibles, mais principalement c'est le dépôt gras. Donc quels sont les facteurs de risque? Les principaux facteurs de risque des cardiopathies et des AVC sont une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique et le tabagisme. Mauvaise alimentation en tête, hein. Ces facteurs de risque dits comportementaux sont responsables d'environ 80% des maladies coronariennes et cérébrovasculaires. Et les effets d'une mauvaise alimentation ou de l'inactivité physique peuvent se manifester par de l'hypertension, une élévation du taux de glucose ou du taux de lipides, un excès de poids ou une obésité, ces effets étant appelés facteurs de risque intermédiaires. Bon. Le problème ne va pas en s'améliorant. L'OMS est Ah, 65,7. excuse-moi, j'ai eu une petite coupure là. D'accord. Quand tu recommençais à nous expliquer que l'OMS allait nous dire quelque chose que je n'ai pas entendu. D'accord. Donc l'OMS estimait en 2005 que 65,7% de la population des États-Unis était en surpoids. Donc 65,7%, c'est quand même deux tiers de la population, et 30,6% carrément obèse. Alors obèse, dans ce contexte, au sens de l'OMS, ça ne veut pas juste dire gros. Depuis 1997-97, pour l'OMS, c'est une maladie. Obésité signifie accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Donc voilà, je prends un petit peu des raccourcis. Toutes les maladies cardiovasculaires, bien sûr, ne sont pas dues à l'obésité, loin s'en faut. Et la surconsommation de graisse n'est pas la seule incriminée dans l'obésité. C'est des sujets qui mériteraient à eux tout seuls un petit dossier, mais je voulais juste donner un petit peu de contexte à mon propos. La problématique des graisses que nous avalons en permanence n'est pas à prendre à la légère, si j'ose. C'est un problème extrêmement sérieux qui touche beaucoup de monde, et ne serait-ce qu'à ce titre, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y penche d'un petit peu plus près. Alors, si on regarde l'utilisation des graisses par l'homme, en fait, les pays riches se trouvent aujourd'hui dans un contexte tout à fait unique à l'échelle de l'évolution humaine. Pour la première fois dans notre histoire, nous n'avons pas à affronter des famines ni à devoir dépenser une énergie folle pour manger à peu près à notre faim. À moins d'être un désorganisé du frigo et des courses, la nourriture nous est accessible en grande quantité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, les comportements que l'évolution a favorisés pendant des millions d'années, comme le goût pour les aliments sucrés et le goût pour les aliments gras, qui étaient autrefois rares et salutaires, ces comportements-là n'ont pas disparu avec l'omniprésence des McDo et des supermarchés. Donc le réflexe de s'empiffrer pour sa survie est toujours bien présent. La journaliste scientifique Marion Sabourdi, alias Fusiraptor, a récemment publié un post sur SAFT, Strange Stuff and Funky Things, le blog de Pierre Kerner. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était intitulé J'ai testé la vie au paléolithique. Non, je l'ai raté celui-là. Ok, c'est un article très sympa qui est bien sûr plutôt critique à l'égard du régime paléolithique, tendance bobo très en vogue dans certains petits milieux. Mais bon, sa lecture nous rappelle quand même que notre diète a bien changé avec la sédentarisation du néolithique, le modèle précurseur de notre civilisation actuelle. Cro-Magnon et Cro-Magnonnette se nourrissaient de fruits, de graines, de racines, de noix, du poisson qu'ils pêchaient, de la viande par définition plutôt maigre, du gibier qu'ils chassaient eux-mêmes. Pour les hydrates de carbone, il n'y avait pas de sucre raffiné à l'époque, il n'y avait même pas de céréales dans leur diète. On se contentait du fructose que contiennent les fruits, et de temps en temps, si on avait de la chance, et si on prenait le risque de se faire piquer, on pouvait s'offrir une petite lèche de miel. Et évidemment, idem pour les matières grasses, il n'y avait pas de beurre, d'huile d'arachide, de saindoux pour faire revenir les médaillons poêlés, on se contentait des apports gras, du poisson, des graines et des noix. Et pour ce qu'on sait de nos amis du Paléolithique, contrairement à de nombreuses idées reçues, ils étaient grands, ils n'avaient pas de caries, on ne sait pas s'ils se brossaient les dents, mais ils n'avaient pas de caries, ils vivaient plutôt vieux, quand évidemment ils n'étaient pas freinés dans leur projet de retraite par quelques tigres à dents de sabre de passage. Il y a toutes sortes de liens dans le dossier pour aller plus loin si la diète paléolithique. Mais bon, voilà. Au néolithique, en revanche, donc il y a environ 10 000 ans, dès qu'on a commencé à élever du bétail et presser des olives, tout a changé. On pourrait presque dire que la voie de l'avènement du Big Mac était toute tracée à ce moment-là. Là aussi, plein d'articles intéressants dans le dossier, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Mais on va revenir à nos moutons. Je me suis demandé, qu'est-ce que la graisse? Alors si on s'intéresse 2 minutes aux graisses à proprement parler, si on en croit notre bon ami Wiki, la graisse, c'est un corps gras se présentant à l'état solide à température ordinaire. Le terme s'oppose aux huiles qui se présentent sous forme liquide. On distingue les graisses des cires de composition similaire, mais qui possèdent un point de fusion supérieur à 45 degrés. Voilà. L'article Wikipédia ne nous apprend pas grand-chose de plus, pour une fois. En fait, il est assez lamentable quand on y pense. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la graisse est un corps gras. Ouais, Voilà. Dans le super. genre, tautologie, on fait pas mieux. Alors j'ai ressorti et épousseté mon bon vieux petit Robert, que j'avais pas sorti depuis un moment, pour y découvrir que la définition, en fait, n'est pas beaucoup plus claire. On nous dit graisse, deux points, corps gras, virgule, matière grasse, point. Graisse animale, végétale, alimentaire ou industrielle, voire beurre, huile, lanoline, margarine, spermaceti, suif. Les graisses sont insolubles dans l'eau, combustibles et saponifiables. C'est-à-dire, note du professeur Fun, qu'elles sont transformables en savon. Ça nous fait une belle jambe, c'est pas terrible non plus. Non. En résumé, la graisse, c'est gras, ça brûle, c'est transformable en savon et ça ne se mélange pas à l'eau. Voilà. Bon, ce qu'on a appris pour ceux qui ne le savaient pas, dont moi, c'est que la graisse, l'huile et la cire, finalement, ça a le même type de propriété, mais simplement un point de fusion différent, c'est-à-dire qu'à pression équivalente, bah, elle passe de l'état solide à l'état liquide à une température différente. Bon, le petit Robert nous indique encore deux, trois bricoles. Il nous dit que les graisses peuvent être d'origine animale, végétale ou minérale, c'est-à-dire, attention, obtenues par distillation du pétrole. C'est marrant, moi je ne m'étais jamais rendu compte à quel point tout ça était flou et imprécis. Graisse minérale obtenue par distillation du pétrole, ça me semble plutôt contradictoire a priori, parce qu'on sait que la plupart des composants du pétrole sont d'origine organique, donc C'est ce vrai n'est que pas je minéral. vois pas l'association minérale et pétrole, mais bon. Ouais. Bon, voilà. Bon, heureusement, la chimie est une discipline plus précise que la discipline du dictionnaire, Tu vas donc je ne nous sais pas comment sortir elle une belle s'appelle. molécule pour définir la graisse, non? Bah ouais, en fait, juste pour les graisses minérales, si ça, pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle des alcanes en chimie. Et puis encore, c'est des alcanes spéciales d'une gamme précise entre C15 et C40. Mais bon, tout le monde est d'accord sur un point, les graisses minérales, elles ne se mangent pas. Or, nous parlons des graisses alimentaires. On va donc recadrer un petit peu, puis s'en tenir aux graisses animales et végétales, qui sont un sous-groupe de lipides répondant au doux nom de triglycérides. On avait dit qu'on y reviendrait. Mais avant d'y revenir, décidément, je fais dans la digression aujourd'hui, on va faire un dernier petit détour par le cholestérol. Ça nous permettra de bien avoir tous les paramètres en tête quand on parlera des différentes problématiques liées aux différents types de graisses. Donc, sur le cholestérol, notre ami Wiki nous dit: le cholestérol est un lipide de la famille des stérols, donc lipide, ça veut dire graisse organique, hein, c'est du gras, qui joue un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Voilà. Le corps s'en sert notamment comme point de départ pour fabriquer les œstrogènes et la testostérone. Et ni les graisses ni le cholestérol ne peuvent se dissoudre dans l'eau, on l'a vu, ni dans l'eau, donc ni dans le sang, ce qui est plutôt problématique pour les faire circuler. Je sens que je vais commencer à t'accrocher là. Alors le corps a trouvé sa petite stratégie pour faire face à ce problème de chimie fondamentale. Il empaquette le gras et le cholestérol dans des minuscules particules recouvertes de protéines qui, elles, passent partout, y compris dans l'eau et dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle des lipoprotéines. Il existe de nombreuses variétés de ces lipoprotéines, mais les plus importantes sont les triglycérides. Si, si, promis, on va vraiment finir par y revenir. On a donc, en plus des triglycérides, les lipoprotéines de basse densité, ou low density lipoprotein en anglais, abrégé LDL, et les lipoprotéines de haute densité, high density lipoprotein, abrégé HDL. Alors on arrive au cholestérol là. Les LDL, ou lipoprotéines de basse densité, transportent le cholestérol du foie vers le reste du corps. Les cellules se fixent sur ces particules et en extraient le cholestérol. Quand il y a trop de cholestérol LDL, ces particules forment des dépôts sur les parois, entre autres des artères coronaires, donc les artères qui recouvrent la surface du cœur. Et ces dépôts, c'est des plaques d'athérome, rendent les artères de fait plus étroites et limitent les flux sanguins. Et quand des morceaux de plaques se détachent, cela peut provoquer des infarctus. Donc on connaît mieux les LDL sous le nom populaire de mauvais cholestérol. Voilà. Les HDL, de leur côté, ou lipoprotéines de haute densité, bah elles récupèrent le cholestérol depuis le sang, depuis les LDL et depuis les parois des artères pour les ramener vers le foie, où le corps les stocke en attendant d'en avoir besoin. Donc les HDL, c'est un peu les camions poubelles de la circulation sanguine, si tu veux. Et puis, bah, pas de surprise, le petit nom populaire des HDL, c'est le Bon bon cholestérol. cholestérol. Exactement. Donc voilà, on va garder tout ça en tête et puis reprendre notre petite investigation des graisses alimentaires en général. Donc on en était resté aux graisses organiques, végétales et animales, et je vais enfin parler des triglycérides. Alors les triglycérides, chimiquement parlant, sont des acides gras, soit des chaînes d'atomes de carbone et d'hydrogène chapeautées par un groupe d'acides au nom un peu étrange, d'acides carboxyliques, maintenus ensemble par une structure généralement un glycérol qui est soit du carbone, soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène. Voilà, pour les puristes, les triglycérides sont des triestères de glycérol, mais bon, voilà, trêve de gros mots. Moi, j'ai juste envie de retenir que les triglycérides, déjà, sont sympas à regarder. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil dans le dossier. Si on les dépliait, ils auraient une forme de E majuscule. Eh bien, on a plusieurs types de ces triglycérides. On va rester un petit peu au niveau moléculaire et comprendre, pour comprendre les différences entre saturé et insaturé. Il ne faut pas zapper, ça devient franchement intéressant. Tous les acides gras n'ont pas exactement le même rapport entre hydrogène et carbone. Lorsque chaque atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène, on dit que l'arrangement est saturé. Parce que les atomes de carbone sont saturés d'hydrogène, ça veut dire ils sont liés au maximum possible d'atomes d'hydrogène. Il ne pourrait pas y en avoir plus. Et dans d'autres acides gras, un atome de carbone peut n'être lié qu'à un seul atome d'hydrogène et avoir une double liaison avec un atome de carbone du voisinage. Et ça, c'est ce qu'on appelle les acides gras insaturés. Plus précisément, dans ce cas, dans le cas de l'exemple que je viens de donner, c'est un acide gras mono-insaturé. Du coup, qu'est-ce qu'un acide gras polyinsaturé? Ben, c'est simplement un acide gras qui contient plus d'une double liaison carbone. Puis pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de savoir si un acide gras est saturé ou insaturé? Attends, je veux juste peut-être essayer de résumer ce que tu as dit, voir si j'ai bien Ouais. compris. Donc le carbone, on appelle, je veux dire, on appelle un acide gras saturé lorsque l'atome de carbone est lié à deux atomes d'hydrogène. Lorsque chaque atome de carbone est lié à deux atomes Chaque d'hydrogène, atome de ouais. carbone a deux atomes d'hydrogène. Donc ça, c'est les Ouais. saturés. Et C'est les saturés. les insaturés, c'est lorsque chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène et à un autre atome de carbone. C'est ça, exactement. Et les polyinsaturés, c'est lorsque chaque atome de carbone est lié à un atome d'hydrogène et à plusieurs atomes de carbone. Voilà, c'est quand tu as plus d'une double liaison carbone. D'accord. Exactement, donc c'est des chaînes plus longues. Et puis, bah, les différences à ce niveau-là, au niveau moléculaire, elles se situent essentiellement à deux niveaux. C'est juste l'énergie que contiennent ces différents types d'acides gras. Donc il y en a plus dans les acides gras saturés. Et puis leur point de fusion, donc la température à laquelle ils passent de l'état solide à l'état liquide. Mais sinon, en termes de nature elle-même, en termes de composants de ces matières grasses, bah c'est le même type d'atomes qui les constituent. Et dans la mesure où les graisses insaturées contiennent moins de liaisons carbone-hydrogène que les graisses saturées, elles libéreront moins d'énergie dans le métabolisme. C'est intéressant. C'est pas que l'hydrogène soit en soi plus gras, en fait. C'est juste une question de géométrie. Si tu imagines le Tetris, les acides gras saturés forment une belle ligne droite. Ça, c'est si tu imagines un collier de perles avec tes atomes de carbone, bah, et au-dessus et en dessous de chaque atome de carbone, tu as un atome d'hydrogène. Du coup, ça donne une structure qui est parfaitement plate. Elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Elles s'empilent, quoi. Et ça donne une graisse bien compacte, du genre qui se fige au frigo. Tandis que les acides gras insaturés, ben, ils partent dans tous les sens et ils ne s'empilent qu'en laissant du vide entre deux molécules. Là aussi, le dossier propose une petite illustration. C'est peut-être plus simple pour y voir plus clair. Mais la différence essentielle, finalement, entre saturé et insaturé, c'est bêtement ça. Les saturées sont belles droites, elles s'emboîtent parfaitement, elles s'empilent, du coup, elles sont très compactes. Alors que les insaturées, ben, c'est le bazar. Elles laissent beaucoup de place, beaucoup d'espace vide entre deux. Elles sont moins compactes et du coup, elles sont moins grasses. T'arrives à te représenter la chose? J'essaye, c'est pas facile. Je crois qu'il faudra que j'aille faire un petit tour sur le dossier. Ouais. Mais plus ou moins, oui. D'accord. Bah, en fait, je crois qu'il faut vraiment garder en tête l'image du Tetris. Tu sais, dans le Tetris, de temps en temps, tu as une belle ligne droite qui peut s'emboîter avec une autre ligne droite. Bah, ça, c'est les acides gras saturés. Puis quand tu as une forme qui part dans tous les sens, qui ne s'emboîte pas avec les autres, c'est un acide gras insaturé. Ok. C'est vraiment aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, on a les acides gras trans. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, si on imagine que nos atomes de carbone forment une belle ligne horizontale comme un collier de perles déroulées, lorsqu'un atome d'hydrogène vient se lier à l'un des atomes de carbone, il peut se placer soit au-dessus, soit en dessous de l'atome de carbone. On l'a vu. Quand on laisse faire la nature, bah, l'hydrogène se place de manière aléatoire, sans Donc là, on patin est dans les précis. cas des acides gras saturés. On est en principe dans le cas des insaturés, parce que les saturés, il y a de l'hydrogène partout, il n'y a pas d'autre arrangement possible. Les insaturés, ça peut être parfois dessus, parfois dessous. Et c'est pour ça qu'ils s'emboîtent mal, on vient de le voir. Mais les acides gras trans, justement, sont produits artificiellement et leur structure moléculaire est nettement moins chaotique. C'est-à-dire que tous les atomes d'hydrogène sont parfaitement alignés du même côté et les molécules s'emboîtent. Même si au départ c'est des acides gras insaturés, ça s'emboîte exactement comme les acides gras saturés. Le gras se fige aussi au frigo et les artères font la gueule la même chose. Intéressant, hein? J'essaie de rebobiner ce que tu as dit. Donc finalement, les acides gras trans, c'est des graisses végétales, en principe insaturées au départ, mais comme elles ont subi un traitement artificiel d'hydrogénisation, Se sont saturés. c'est comme si elles s'étaient saturées. Exactement. Le résultat finalement est le même. Ça donne des graisses très compactes dont les molécules s'emboîtent parfaitement bien et ça traîne du mauvais cholestérol. Tu as dit que ça c'était un processus artificiel, non? Les Ouais, acides dans la gras. plupart des cas. On trouve quelques acides gras trans en milieu naturel, notamment dans la graisse de bœuf, mais c'est extrêmement marginal. Mais j'imagine qu'il y a un motif ou économique ou d'optimisation pour vouloir faire ces acides gras trans. Finalement, pourquoi l'industrie alimentaire fabrique ces acides gras trans? Ouais, écoute, c'est une excellente question. Moi, j'ai la réponse sur d'autres types de graisses absolument déplorables pour la santé, pour l'environnement dont on parlera un peu plus tard. Je pense notamment à l'huile de palme. Pour les acides gras trans, j'ai pas la réponse. Je pense que c'était de l'ignorance au départ. On pensait bien faire. On a trouvé un moyen de rendre solide des graisses végétales sans se rendre compte que l'impact était aussi négatif sur la santé que pour les graisses animales. En fait, longtemps, on a opposé graisse animale et graisse végétale. En disant que les graisses animales étaient mauvaises pour la santé, parce qu'on s'est vite rendu compte que ça posait des problèmes, et en idéalisant un peu les graisses végétales. Or, dans la réalité, c'est pas du tout là que se situe la frontière. Pour ma part, hein, c'est juste une hypothèse, mais je pense qu'il y avait pas mal d'ignorance finalement derrière la problématique au départ. Puis ensuite, voilà, le marché était là, les intérêts étaient là. Quand on s'est rendu compte que c'était pas terrible, Parce que il a fallu du temps pour changer les choses. excuse-moi, les acides gras trans s'appliquent uniquement à des graisses végétales ou aussi on peut le faire aussi avec des graisses animales? Non, les graisses animales en général sont des graisses saturées. Saturées, oh, d'accord. Et les végétales, on les sature en Exactement. appliquant un processus trans. C'est ça. D'accord. Alors, je ne suis pas allé regarder. Je sais que les législations sont en train de changer en Europe pour limiter la présence d'acides gras trans dans les produits alimentaires. C'est même souvent interdit suivant où. Je me suis inspiré de pas mal de documents américains pour construire ce dossier. Là-bas, c'est très différent en fait. Aux États-Unis, les acides gras trans viennent juste d'entrer dans l'étiquetage. Donc on sait maintenant sur les produits pré-emballés s'il y a des acides gras trans ou pas, mais c'est tout. Il n'y a pas de législation encore pour en limiter les quantités. Voilà, ça viendra, j'imagine. En Europe, il y a eu beaucoup de changements sous l'impact, enfin sous la, c'est pardon, le Danemark qui a servi de locomotive. Et puis ensuite, il y a eu pas mal d'initiatives privées. Je sais qu'en Suisse, c'est la Migros qui a suivi avant même qu'il y ait des législations en limitant à 2% la quantité d'acides gras trans présente dans les graisses des aliments pré-emballés. On commence à se rendre compte de l'importance en termes de santé publique de ces acides gras trans. Je ne suis même pas sûr qu'on en trouve encore sous forme de margarine en Europe. Mais enfin, ce serait à vérifier. Ah, parce que la margarine, sous sa couverture d'être plus saine que la graisse, en fait, était remplie d'acides gras trans, c'est ça? Certaines margarines, ouais. Ouais. On Et vendait donc, ça comme plus sain que le beurre, finalement. exactement. Et puis, c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Alors, bon, il y a de très bonnes Margarine. margarines, des margarines bourrées d'oméga-3 qui ne contiennent pas d'acides gras trans. Celles-là, on peut y aller les yeux fermés. Mais ça, je pense que ça vaut la peine quand même de bien vérifier l'étiquette avant d'acheter. Ok. Voilà, donc, bon. L'effet de ces différents types d'acides gras sur la santé, c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, entre saturé, trans et insaturé, il n'y a pas photo, quoi. Les conséquences sont très différentes. On va examiner d'abord les graisses saturées. Donc, notre corps sait les fabriquer. Le gras qu'on accumule par nous-mêmes, c'est justement des graisses saturées. On n'a pas besoin d'en manger. On l'a vu, les anciens Homo sapiens n'en mangeaient pas, puis ils s'en portaient pas plus mal. Et dans les pays occidentaux, la plupart des acides gras saturés proviennent de la viande, de la volaille, surtout la peau de la volaille, des fruits de mer, des produits laitiers, le fromage, lait, crème, glace. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on en trouve aussi dans certaines graisses végétales, qui sont tout aussi mauvaises pour la santé, notamment l'huile de coco, l'ignoble huile de palme et l'huile de palmiste. Toutes ces graisses et huiles ont en commun d'élever le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, et puis il vaut mieux les éviter à chaque fois qu'on en a la possibilité. Mathieu, ferme les oreilles, j'ouvre une minuscule parenthèse sur l'huile de palme, c'est la minute militante du professeur Fon, qui n'engage que moi. Juste pour dire que l'huile de palme, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'huile végétale la plus consommée sur la planète. 25% du marché, même si on ne la trouve pas en supermarché. Elle est massivement utilisée dans les produits industriels, dans la restauration, partout. Elle est indiquée comme huile végétale sur les emballages. Il n'y a en général pas d'autres précisions. Quand c'est marqué huile végétale, c'est de l'huile de palme, simplement parce que c'est autorisé d'indiquer ça sur les emballages. Et parce que les huiles végétales, on l'a dit, il y a un gros préjugé, elles ont encore bonne presse. Et pourtant, franchement, autant manger du saindoux à la petite cuillère, c'est pas pire pour les artères. Mais c'est pas tout. L'utilisation massive d'huile de palme par les industriels est à l'origine d'un désastre écologique sans précédent. Plus de 90%, 90% des forêts des pays producteurs, c'est-à-dire la Malaisie, l'Indonésie, Bornéo et Sumatra, ont disparu au profit des palmeraies. Et les conséquences pour la biodiversité sont absolument catastrophiques. Nos cousins, les orang-outans, sont en voie d'extinction. Finalement, ils n'ont qu'à crever en silence pour que nous, on puisse s'empoisonner en paix. Voilà, je gueule pas souvent, mais là, c'est pour la bonne cause. Podcast Science offre un t-shirt. J'aurais pu te l'annoncer, Mathieu, mais je le décrète solennellement. Podcast Science offre un t-shirt à quiconque arrive à vivre une semaine entière sans consommer un gramme d'huile de palme. Documentation à l'appui, évidemment. On est quand même scientifique dans l'âme. D'ailleurs, ça me rappelle une fameuse polémique qu'il y a eu autour des Kit Kat, je crois, il y a quelques mois. Ou... Ouais, c'était où? Il y a même un moment, c'était il y a 2 ans Il maintenant. y a 2 ans, ouais. Ouais. Qui, Ouais, c'était qui... Greenpeace qui s'est servi des réseaux sociaux pour dénoncer l'utilisation de l'huile de palme dans les produits de Nestlé, enfin dans l'industrie en général, mais c'est vrai qu'ils ont choisi de se défouler sur Kit Kat et c'est tombé sur Nestlé. Bon, c'est une campagne qui a fait un peu changer les choses. La plupart des industriels se sont engagés à de l'huile de palme un peu plus respectueuse de l'environnement, mais tout ça, c'est des projets, ça n'a encore pas vu le jour. Je crois qu'on parle de 2017 ou 2018, le temps qu'il change les méthodes de production. En attendant, le désastre Continue. continue. Ouais. Donc, bref, les graisses saturées, pour faire simple, c'est à ranger dans la catégorie pas bon. Même si, évidemment, un petit barbecue en été ou une petite fondue en hiver, c'est bon quand même. Tout est dans la Ah, mesure, voilà, évidemment. tout n'est pas blanc ou noir, hein. Bah ouais, non, mais tout est dans la mesure, clairement, c'est une question de quantité. Ensuite, les acides gras trans. Alors, si on dit que les graisses saturées sont à classer dans la catégorie pas bon, les acides gras trans, ils sont carrément à ranger dans la catégorie très mauvais, pour ne pas dire toxique. En fait, les graisses trans sont pires d'augmenter le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, et de diminuer le taux de HDL, donc de bon cholestérol. Pour chaque 2% de calories absorbées quotidiennement issues des graisses trans, soit une portion de frites moyenne du McDo, le risque de problèmes cardiovasculaires augmente de 23%. Et selon une étude américaine de 2006, pour laquelle vous trouvez le lien dans le dossier, en version payante ou en version gratuite sur un site chinois, c'est la même étude, mais voilà, éliminer les graisses trans du régime des États-Unis préviendrait d'un coût entre 6 et 19% des infarctus et morts associées, soit plus de 200 000 cas en moins chaque année. Mais j'ai pas compris. Tu as dit que tu as donné les pourcentages là que tu peux les répéter? Ouais. Pour chaque 2% de calories absorbées quotidiennement issues de graisses trans, le risque de problèmes cardiovasculaires augmente de 23%. Mais ça veut dire. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Bah, ça veut dire que c'est pas le risque n'est pas directement proportionnel à la quantité de graisse trans que tu manges. Il suffit d'en manger un peu pour voir immédiatement un risque de Augmenter. problèmes cardiovasculaires augmenter dans les proportions folles, quoi. Augmentation de 23% pour 2% seulement de calories absorbées. Voilà. OK. C'est des chiffres que j'ai trouvés dans un article que je citerai à la fin du dossier, qui est extrêmement intéressant, qui évidemment pointe sur de nombreux articles scientifiques que j'ai pas tous lus pour constituer ce dossier. C'est vrai que c'est un peu surprenant comme affirmation. Mais je vais peut-être creuser là. Je vais faire mes devoirs pour la prochaine fois pour pouvoir l'étayer un peu mieux. Voilà. Ensuite, donc acide gras. Saturé, pas bon. Acide gras trans, poison. Alors, quid des acides gras insaturés? Les acides gras insaturés sont à ranger dans la catégorie plutôt bon, bon, voire très bon. En fait, en 2003, une équipe de chercheurs néerlandais a publié une méta-analyse dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Ils se sont basés sur 60 études contrôlées, différentes, pour pouvoir affirmer que remplacer les hydrates de carbone, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, lent et rapide, céréales, etc., remplacer les hydrates de carbone par des graisses mono- et polyinsaturées dans le régime réduit de manière spectaculaire la présence de LDL, donc de mauvais cholestérol dans le sang. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très surprenant. Finalement, mieux vaut manger ces graisses-là à la place des sucres que de manger des sucres, quoi, en termes de bénéfices pour le cholestérol. Bon, après, j'imagine évidemment qu'on ne peut pas simplement donner cette recommandation, ce serait un peu débile. Là, c'était dans un cadre clinique, enfin plusieurs cadres cliniques spécifiques que ça a été étudié. Mais enfin, tout ça pour dire qu'elles ont leur bon côté, ces graisses. Ceci dit, quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs catégories de graisses insaturées et puis qu'elles ne sont pas toutes au top. Donc, tu as bien sûr, j'imagine, entendu parler des oméga-3 et des oméga-6. Donc, en fait, c'est des acides gras N3 et N6, leur petit nom scientifique, c'est dans la culture populaire qu'on les appelle des oméga. C'est des acides gras polyinsaturés essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont, comme pour les vitamines, hein, ils sont vitaux pour le métabolisme, mais ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain. Donc, on doit se les procurer par l'alimentation. Les oméga-3 ont une double liaison carbone-carbone au niveau du troisième atome de carbone dans la chaîne, et les oméga-6 au niveau du Sixième. sixième. Exactement. Puis juste pour notre culture générale, comme ça, il existe aussi des oméga-9. On les trouve dans des graisses d'origine animale et végétale, mais ceux-là ne sont pas essentiels, car ils peuvent être synthétisés par l'organisme à partir d'acides gras insaturés. Les oméga-3, ils sont super à la mode. En fait, il se passe jamais plus de quelques semaines avant qu'un nouvel article soit publié dans la littérature scientifique ou populaire vantant leur qualité. La semaine dernière, je ne sais pas si tu avais vu, c'était l'effet bénéfique des oméga-3 de type DHA dans la réduction des effets des accidents vasculaires cérébraux qui était mis en avant. Ces oméga-3, on les étudie massivement depuis les années 70, les années 70, et on n'arrête pas de leur trouver de nouvelles vertus. Une chose est sûre, on en consomme en moyenne pas suffisamment. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, dans son rapport disponible en ligne, bien sûr le lien est dans le dossier, indique qu'on devrait en consommer 2 grammes par jour en moyenne et qu'on en est loin aujourd'hui. Selon les études, on est de mémoire, je ne l'ai pas noté dans le dossier, entre 0,6 et 0,8 grammes. Les pêcheurs japonais et crétois, qu'on cite souvent en référence pour leur fameux régime, en consomment environ 3 grammes. Pour Ce qui explique la longévité des Japonais, je pense, en partie. en partie, ouais. Parce qu'on les trouve dans le poisson, principalement, ces oméga-3. Exactement, dans les poissons gras, pas seulement. Tu vas voir, on les trouve à plein d'endroits. On pense peut-être pas à les chercher. Et puis, dans le même temps, les oméga-6 consommés en excès sont reconnus, eux aussi, comme cause d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles du rythme cardiaque, d'arthrite, d'ostéoporose, d'inflammation, de Arrête-toi, troubles de douleur, arrête-toi, d'obésité, arrête-toi. etc. Bref, là aussi, c'est selon une étude anglo-américaine publiée dans un journal, vous avez le lien, enfin dans un journal scientifique, vous avez le lien sur le dossier. Donc, oméga 3 bon, oméga 6 pas bon. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. En fait, Pratiquement toutes les études s'accordent à dire que le problème, ce n'est pas juste les oméga-6, mais c'est le ratio entre les oméga-6 et les oméga-3. Ah, alors Il ça nous faut trouver un facilite la équilibre. tâche. Ouais, mais c'est vraiment c'est l'équilibre entre ces deux types d'oméga qui est en cause dans notre alimentation. Dans nos régimes occidentaux, le ratio est d'environ 10 pour 1, c'est-à-dire 10 oméga-6 pour un oméga-3, voire 30 pour 1 dans les cas extrêmes, ça c'est genre les fast-foods américains, alors qu'il devrait se situer dans les 4 pour 1. Là, malheureusement, j'ai pu trouver que l'abstract de l'étude de référence sur la question, l'article complet est payant. Pas de version gratuite, mais enfin, l'abstract est déjà intéressant. On le trouve dans les notes du dossier. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, les diététiciens nous ont abreuvés par médias interposés pendant des années de discours hyper simplistes sur la question. En résumé, on nous disait les graisses animales, c'est pas bon, il faut leur préférer les huiles végétales. Le discours a montré ses limites, évidemment. Tout le monde sait maintenant que les oméga-3 du saumon sont bien plus bénéfiques. Et presque tout le monde sait que les margarines hydrogénées bourrées d'acides gras trans et l'huile de palme sont extrêmement néfastes pour la santé. Bon, pour ma part, je pense que la base animale versus végétale est pas un si mauvais point de départ que ça, mais qu'il faut bien tenir compte des exceptions. Donc, en résumé, les graisses saturées, elles sont mauvaises pour la santé, car elles augmentent le taux de mauvais cholestérol. C'est essentiellement les graisses animales, donc c'est ce qu'on va trouver dans le gras de canard, la peau de poulet, le sein doux, la graisse de rognon, les viandes grasses. Donc tout ça, on retrouve évidemment dans les saucisses, enfin tous ces trucs industriels préparés. On les trouve aussi dans la graisse de coco, dans l'huile de palme et de palmiste, je ne vais pas revenir sur la question. Après, il faut nuancer. Le lait, par exemple, c'est une graisse d'origine animale. Une enquête de l'émission suisse de défense des consommateurs, à bon entendeur, révélait l'année dernière que le lait bio, par exemple, contient 2 fois plus d'oméga-3 que le lait ordinaire de supermarché. Simplement parce que les vaches broutent, entre autres, du lin, et pas juste du trèfle ou le foin qui est plus rentable. Idem pour les œufs. La composition de leur graisse va dépendre de la qualité du grain qu'on aura donné à manger à Dame Poule. Enfin, c'est assez évident quand on y pense. Mais voilà, on n'y pense peut-être pas toujours. Les graisses trans qu'on trouve de moins en moins en Europe, parce que les réglementations deviennent plus sérieuses, sont à bannir à chaque fois qu'on le peut. On les trouve notamment dans les margarines hydrogénées qui sont utilisées dans les préparations. Tu sais, ces croissants pré-emballés qui durent Industriel, ouais. exactement, J'ai ouais, qui entendu dire que tiennent. ça, c'était terriblement mauvais, C'est affreux, quoi. ouais. Ouais. Alors, tous ces trucs qui tiennent très longtemps sans réfrigération, voilà, ça doit mettre la puce à l'oreille. Mieux vaut regarder s'il n'y a pas des acides gras trans à l'intérieur ou de l'huile de palme. Et puis, les graisses insaturées sont globalement meilleures pour la santé. Donc, les mono-insaturées, on les trouve en quantité variable dans l'huile de colza, dans l'huile d'arachide, dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans les amandes, dans les noisettes, les noix de pécan, dans les graines comme des graines de courge ou les graines de sésame, par exemple. Tout ça, c'est globalement bon. Les graisses polyinsaturées, on les trouve en quantité élevée dans le tournesol, dans le maïs, le soja, les graines de lin, les noix, les poissons gras. Alors attention, parce que ce n'est pas toujours des oméga-3. Donc parmi les polyinsaturés, les meilleurs de toutes, à privilégier à chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est ce qu'on trouve dans les poissons gras, donc le saumon, surtout le saumon sauvage, le flétan, le hareng, le maquereau, les anchois, les sardines. C'est l'huile de chanvre aussi, ce que j'ignorais totalement, je ne savais même pas qu'il existait de l'huile de chanvre. Je ne sais pas où on la trouve d'ailleurs, mais moi j'imagine qu'il doit y avoir des boutiques spécialisées. Il y a l'huile de lin, les graines de lin. Les graines de chia, c'est une sorte de sauge espagnole. Je sais pas si tu connais, moi ça me dit rien du tout. Non, ça me dit rien du tout alors. D'accord. Il y a les noix, les bêtes noix, l'huile de colza, le soja, les légumes verts. Alors certains légumes verts, étonnamment, le chou, la mâche, la laitue, même si c'est en très petite quantité, ça contient des acides gras. Et c'est des acides gras polyinsaturés de type oméga-3 qui sont plutôt bons. Donc voilà. Ceci dit, on n'a pas toujours le choix, quoi. Et finalement, tout est affaire de quantité. Donc, je pense que c'est essentiellement le bon sens qui prime, quoi. À chaque fois qu'on a l'occasion, à chaque fois qu'on a la possibilité, On n'a pas toujours accès à cette information dans un restaurant. C'est impossible de savoir si on a utilisé de l'huile d'olive ou de l'huile de palme, saveur huile d'olive. Mais bon, quand on sait tout ça et qu'on a la possibilité de regarder, je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Et puis bon, je pense qu'il faut aussi se rappeler que tout est affaire de quantité. C'est pas dramatique si on fait de temps en temps une exception. Le tout, c'est voilà, de faire gaffe quand même quand on peut. Et puis bah, dans ce dossier qui était déjà long, j'ai pas détaillé les différents types d'oméga-3, il y en a tout plein, ni les différents types de margarine, ni même les différents acides gras à proprement parler. Rien que pour les acides gras saturés, il y en a plus de 30 sortes qui n'ont pas les mêmes propriétés. Il y en aurait encore pour des heures et des heures, mais évidemment, il y a des liens un peu partout dans le dossier pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin. On reprendra peut-être un élément ou l'autre dans un prochain podcast, qui sait? En attendant, je vous conseille la lecture du dossier génial. Que j'ai trouvé sur le site de l'école de santé publique de l'université Harvard, dont je me suis inspiré pour de nombreuses parties de ce dossier. Le lien est à la fin du dossier. Ou encore l'histoire des graisses trans illustrées. C'est tout simple et c'est passionnant. C'est publié par le American Heart Association. Ça tient sur une page, hein, c'est vite lu. Ou encore, étonnamment, le site spécial de la Confédération dédiée à la nutrition. Il y a un volet spécial sur les graisses qui est drôlement bien documenté. Donc voilà, plein de lectures. Stay fit. Wow. Ben, bravo. Mais je reste un peu dubitatif parce que je repense un peu au supermarché. Bon, évidemment, quand on va dans un restaurant de temps à autre, on peut tomber sur des aliments et des acides gras saturés ou trans. Mais bon, on va généralement quand même plus ponctuellement au restaurant qu'au supermarché. Et moi, quand je vais au supermarché, j'essaie toujours un peu de regarder les cholestérol et ces acides gras qu'il y a sur les emballages, mais Ouais. ça reste très difficile parce que par exemple, tu nous dis oui, les noix c'est bon, toutes sortes de graines. Alors moi je me dis, je vais au supermarché, je regarde les paquets de noix ou d'amandes, mais après je me dis, a priori ça doit être sain, ces oméga, non c'est des polyinsaturés. Mais ces amandes, ces noix, elles sont dorées, elles sont cuites, je ne sais pas trop comment, avec des graisses aussi, j'imagine, pour les dorer. Et du coup, ça bousille tout, Ouais, c'est toute vrai, c'est vrai. l'initiative, quoi. C'est vrai, il faut faire gaffe à ça. Souvent, on trouve de l'huile de palme dans les emballages de raisins secs, par exemple, juste pour éviter qu'ils se collent entre eux. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est vraiment embêtant, parce Ouais. que un produit qui à la base est sain, il a été traité d'une manière ou d'une autre, et voilà, on lui a introduit des acides gras. Et c'est comme les petites boîtes de thon. Je me suis toujours dit, oui, le thon, poisson, oméga 3, c'est sain. Mais quand on achète ces petites boîtes de thon, tu sais, ces petites boîtes de conserve, le thon, il baigne dans une huile. Alors, je sais pas trop ce que c'est, l'huile déjà, et je pense pas me tromper en disant qu'il doit sûrement y avoir des acides gras pas très sains dans cette huile. Ouais, alors écoute, moi ça c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Je regarde toujours dans les supermarchés en Suisse. C'est assez bien indiqué. Je ne sais pas comment c'est dans le reste de l'Europe. Enfin, c'est assez bien indiqué si on a l'esprit critique un peu en éveil, quoi. Effectivement, souvent c'est marqué huile d'olive, mais c'est pas de l'huile d'olive de première pression à froid, donc c'est pas la fameuse huile d'olive extra vierge, et donc c'est globalement pas terrible pour la santé. Quand c'est de l'huile d'olive extra vierge, alors là c'est marqué en gros, en vert, et puis souvent c'est juste de l'huile végétale, et quand c'est juste marqué huile végétale, bah, la plupart du temps c'est de l'huile de palme, donc c'est toxique, quoi. C'est pour ça que c'est très difficile. Ouais, c'est vraiment difficile, quoi. L'étiquetage est pas clair. Bon, une fois qu'on le sait, une fois que tu sais que huile végétale sur les emballages, ça veut dire huile de palme, et que tu sais que l'huile de palme c'est mauvais, je te jure que tu vois le monde autrement. Oui, mais ici en Espagne, il y a des petites boîtes de thon, c'est mis huile d'olive. Alors tu dis thon, huile d'olive, ok, c'est du tout bon. Mais tu viens de me Bien dire sûr. que si c'est pas de l'huile d'olive de bonne qualité, ouais, ben voilà. Si c'est pas de l'huile d'olive extra vierge, c'est Extra pas terrible, vierge, c'est pas effectivement. Ouais. terrible donc. Et puis là, tu peux regarder sur les. Bon, peut-être qu'en Espagne, c'est différent parce que vous avez des huiles d'olive de très bonne qualité. Enfin, ça court les rues. Ici, sur les étalages de supermarchés, ici en Suisse, donc, tu as, je crois, deux deux marques de thon qui proposent des boîtes avec de l'huile d'olive extra vierge. Tout le reste, c'est soit de l'huile d'olive, pas de première pression à froid, et puis il y en a peut-être, je sais pas, 15, 20 sortes. Donc c'est de la mauvaise huile d'olive ou juste de l'huile végétale. Non, je suis vache. Parfois, c'est de l'huile de tournesol aussi. Là, c'est indiqué. Et puis là, a priori, il y a pas trop de problème. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant, quoi. Il faut faire gaffe. On ne peut pas juste être insouciant si on s'intéresse à ses problèmes, si on veut faire gaffe à son cholestérol. On ne peut pas juste faire confiance à ce qui est marqué en gros sur la boîte. Il faut chaque fois creuser un peu plus. Et puis faire du sport, non? Ah, ben ça fait pas de mal. Non, mais ça élimine, C'est sûr. je sais pas si tu l'as mentionné, mais ça élimine les acides gras mauvais, non? Le sport ou Ouais, pas? je crois que c'est globalement bénéfique pour le cholestérol, enfin pour la circulation du cholestérol. Mais voilà, j'ai pas creusé plus que ça. Je saurais pas en parler davantage. Je sais que ne rien faire est listé par l'OMS, enfin la sédentarité, comme elle manque d'exercice physique, comme une des causes du problème des accidents cardiovasculaires. Ouais. Ok. Ben merci bien pour ce dossier. Donc vous retrouverez tout ça sur le site. On est déjà à l'heure, je crois. On a déjà fait 1 heure d'émission. Donc on va gentiment commencer à conclure. On a deux, trois petites choses encore à vous dire. Une première chose, je suis tombé récemment sur un podcast qui a parlé de deux, trois choses en relation avec le dossier de Pierre sur la classification phylogénétique. Alors, en fait, s'il s'agit d'un podcast de l'émission Continent Science, en fait, c'est une émission sur France Culture qu'on peut écouter sous forme de podcast. Et dans cette émission, au début de cette émission, il y a toujours une chronique animalière. Dans ce cas-là, la chronique animalière se situe entre 1 minute 10 et 3 minutes 30. Et dans cette chronique, on apprend qu'une mutation chez deux groupes animaliers éloignés, en l'occurrence celui des chauves-souris, enfin d'une espèce de chauve-souris et d'une espèce de dauphin, Ouais, c'est éloigné. amène une étonnante évolution convergente, ce qui induit un nouveau groupe phylogénétique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu ce que nous a expliqué Pierre la semaine passée, mais en résumé, ce que nous dit cette chronique, c'est qu'une étude a montré que l'évolution chez ces deux animaux s'est faite de la même façon pour une même mutation génétique. Il s'agit en fait d'une protéine présente chez tous les mammifères et qui joue un rôle dans l'amplification des ondes sonores à haute fréquence, qui aurait évolué de la même façon chez ce type de chauve-souris et chez ce dauphin. Ce qui semble être d'ailleurs un cas inédit, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais donc voilà, une mutation a entraîné une évolution convergente chez deux espèces animales assez éloignées. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que qu'à l'étage d'au-dessus dans l'arbre, il n'y a pas forcément un ancêtre commun qui avait cette même caractéristique. Dans ce qui est en général le cas, dans ce cas de figure particulier, l'évolution convergente a eu lieu dans deux ramifications complètement différentes de l'arbre du vivant, mais en utilisant les mêmes mécanismes. C'est ça que tu dis là. Voilà, ouais. D'accord, ouais, super, c'est super intéressant. Et puis on a le lien sur le podcast. Alors oui, on mettra le lien, il y Excellent. aura tout. Alors Top. c'est dans les toutes premières minutes de l'émission, vous n'avez même pas besoin d'écouter toute l'émission, c'est dans les 3-4 premières minutes. Ok, et puis sinon, on avait un petit débat entre nous, et puis on se disait que ce serait intéressant de sonder les poditeurs, savoir ce qu'ils pensent de l'illustration de la marche du progrès. Donc on en avait parlé, alors je ne sais plus maintenant sur quel épisode c'était tombé, parce que pour nous c'était qu'une seule et même émission, mais après on l'a découpé en trois. Hein. Ouais, je crois que il me semble, si je ne me C'était trompe pas, c'est le deuxième, non? deuxième épisode, il me semble aussi, ouais, de la saga de Pierre sur le vivant. On en avait un petit peu parlé pendant l'émission, mais toi, tu as lancé un débat en off après l'émission. Ouais, j'ai lancé un petit débat en interne. Non, parce que cette discussion, c'était sur la représentation de la marge du progrès. J'y ai repensé et j'étais pas tellement d'accord avec vous. Et voilà, je vous ai envoyé un email, j'ai argumenté un petit peu et on s'est répondu, on s'est envoyé deux, trois emails, puis on s'est dit que bah, finalement, il n'y a pas de raison que ça reste entre nous. Autant partager nos positions avec les auditeurs et voir ce qu'ils en pensent. Effectivement. Donc tu peux rappeler ta position dans les grandes lignes? Je crois que c'est peut-être plus logique si on commence par la tienne, non? Ou bien? Bon, Je sais c'est pas, toi bon. qui avais commencé le débat, mais Ouais, enfin, ouais, non, moi, bah, je... non, en gros, ce qui se passe, c'est que cette représentation, autant, je sais pas, toi tu la critiquais dans le sens où tu disais qu'elle représentait pas exactement l'arbre évolutif, en gros. C'était ça qu'on voyait une forme plutôt linéaire de l'évolution. C'était ça, non? Ouais, en fait, moi, j'avais plusieurs choses. Écoute, de toute façon, tout ça, c'était dans des échanges de mails. Donc là, j'ai retrouvé mon mail. Et puis, je vais te dire quels étaient mes arguments. Poum, il faut juste que je les retrouve. Écoute, moi je vais donner les miens. Moi, je ne vois Vas-y. pas les choses comme ça. Je pense que cette représentation, en fait, peut avoir différentes grilles de lecture. On peut très bien y voir une vision partielle d'un processus évolutif complexe, en fait, dans cette représentation. Une vision qui se centre uniquement sur certains caractères morphologiques ou moteurs. Pas besoin d'y voir une évolution complète et intégrale. J'ai un peu l'impression que cette représentation peut nous aider à comprendre, d'une part, l'apparition du bipédisme chez l'homme et comment les mains ont pu se libérer de la locomotion et se dédier à autre chose. On y voit aussi l'évolution du crâne ou de l'angle facial du crâne qui, chez nos ancêtres, était plus faible que chez nous. C'est-à-dire que le front dans l'homme actuel, si je ne me trompe pas, est plus haut que chez nos ancêtres. Bon, on voit l'apparition du menton, disparition des poils, on voit toutes ces choses-là, et je pense que cette représentation montre finalement, voilà, certains caractères évolutifs sans pour autant avoir la prétention de représenter l'intégralité de la théorie de l'évolution. Et voilà, je pense que ça fait aussi partie un peu de la vulgarisation scientifique, qui doit aussi de simplifier des contextes, quitte à proposer des interprétations un peu plus partiel ou simplifié d'une réalité. C'est un peu comme si on reprochait à un résumé d'un ouvrage d'avoir le défaut d'omettre certains éléments constitutifs de l'ouvrage. Ouais. Ouais, pardon, t'avais pas fini? Non, continue. Ouais, j'ai peut-être encore une ou deux choses à dire, mais vas-y. D'accord, mais comme ça, du coup, il y aura débat. Parce qu'évidemment, tu dis tout ça, moi, je me remémore instantanément ma position sur la question. J'ai même plus besoin de chercher dans le mail. Le problème pour moi, c'est que c'est devenu l'icône de l'évolution. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ok, c'est une version simplifiée, c'est une forme de représentation. On se dit, c'est l'évolution, c'est comme ça. Et puis cette représentation conduit parfois à une compréhension erronée de l'évolution. Et moi, ce que je te disais dans mon mail, c'est qu'il m'est parfois entendu dans il m'arrivait d'entendre des choses comme, est-ce qu'on peut m'expliquer comment le premier homme s'est mis à parler si ses parents étaient des singes qui faisaient ouga ouga? Ou encore, pourquoi est-ce que certaines personnes ont cessé d'évoluer? Et tout ça, c'est des choses qui émanent pourtant de gens intelligents et éduqués, mais qui, à cause de cette représentation, n'ont pas compris les principes mêmes de l'évolution. Mais est-ce que tu L'autre es sûr chose, que c'est à cause de cette représentation? non, je suis pas sûr, mais Parce je que ça, je pense pense, que c'est quand même ton interprétation d'y voir, voilà, d'y voir ce biais, en fait. Alors écoute, peut-être, c'est possible. Moi, j'ai effectivement, c'est une incompréhension de l'évolution en tant que principe que je constate comme ça dans le grand public et dont je pense qu'elle est imputable à cette représentation. Maintenant, c'est effectivement mon opinion, c'est tout. Peut-être que c'est imputable à toutes sortes d'autres choses. Mais je pense que cette représentation aide pas. Et l'autre chose qui me gêne avec, c'est qu'on a l'impression d'y voir une finalité, une espèce de logique, comme c'est déjà le fait que Homo sapiens soit le dernier maillon de la chaîne dans cette représentation, ça en fait comme un but, comme une finalité, comme le dessin d'un long processus. Et je préfère évidemment mille fois les versions détournées de cette image qui finissent avec un geek au dos complètement voûté ou un paysan à Appenzellois ou un obèse, un robot, voire un troll. Non seulement c'est plus marrant, mais ça laisse supposer que tout ça n'est pas fini, que l'évolution continue. et que qu'il y aura peut-être, si on n'a pas, si on n'a pas provoqué notre propre extinction d'ici là, il y aura très certainement autre chose après Homo sapiens, qui n'est pas la perfection en soi, qui n'est pas forcément le sommet de la création. Oui, mais c'est ça où je suis pas tellement d'accord avec toi non plus. Parce que toi, tu vois un anthropocentrisme dans cette représentation, mais moi, j'y vois plutôt, enfin, tu vois un anthropocentrisme évolutif, une sorte de finalité. Moi, j'y vois plutôt un anthropocentrisme didactique ou pédagogique. Parce que, évidemment, si tu fais un schéma évolutif pour représenter l'évolution du lombric, ça va n'intéresser strictement personne. Pour que ça intéresse les gens, il faut intégrer l'homme là au milieu. Donc, c'est aussi un peu une approche pédagogique de mettre l'homme. C'est pas forcément y voir une finalité que l'homme est le bout de la chaîne et tout ça. C'est simplement une approche pédagogique. Moi, je vois plutôt comme ça, en fait. Oui, effectivement, c'est là-dessus que je t'ai entendu quand même. Et c'est vrai que je me suis partiellement rallié à ton point de vue. Enfin, même si je continue d'avoir un problème hein, avec cette image. Même si, comme le disait Pierre, je ne me rappelle plus maintenant si c'était dans l'échange de mails ou si c'était à l'antenne dans l'émission, il y a d'autres représentations qui sont beaucoup plus adéquates. Typiquement, les représentations dans lesquelles on voit différentes branches évolutives qui ont suivi à un moment donné. Typiquement, dans cette représentation-là, on ne sait pas où mettre le chimpanzé. Oui, mais Là, et moi, ça, par c'est une des exemple, choses qui me posent problème. j'y vois pas une représentation évolutive comme vous, c'est ça. Moi, je vois une autre lecture, je vois plutôt une représentation paléoanthropologique, c'est-à-dire, voilà, une sorte de représentation qui s'intéresse à certains caractères très précis de l'évolution de l'homme, comme j'ai dit, des caractères moteurs ou morphologiques. J'y vois pas forcément une interprétation, évolutive au sens large que vous lui donnez. Ouais, bah c'est effectivement à cet argument que j'ai été sensible, et puis c'est là que je me suis calmé. En fait, j'ai reformulé ta position en disant, si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est calmez-vous, les gars, cette image, c'est qu'une vision d'artiste. C'est pas parce que certains l'interprètent n'importe comment qu'il faut la condamner. Il n'y avait pas de mauvaises intentions, il n'y avait que des intentions pédagogiques, finalement, derrière cette représentation. C'est un peu violent de s'acharner dessus de cette manière-là. En gros, Un petit peu, c'est ça ouais. que tu dis. Ouais. Et puis là, évidemment, en voyant la chose comme ça, je suis obligé d'y réfléchir un peu, puis d'y souscrire, quoi. C'est la question du détournement des œuvres d'art, volontaires ou pas, quoi, mais dont on fait des symboles. Est-ce qu'une fois qu'une œuvre d'art est devenue le symbole de quelque chose, est-ce qu'il faut la condamner pour autant, tu vois? J'ai pas pu m'empêcher de rapprocher ça je sais pas, du symbole religieux, par exemple, qui existe depuis le néolithique, qui représente l'éternité chez les bouddhistes, qui est a priori pas bien méchant, quoi. Enfin, même si certains athées militants ne pensent pas de la même manière. Cette image, donc, qui a l'air de rien, ce symbole d'éternité qui est tout gentil, s'appelle la svastika. C'est ce qu'ont utilisé les nazis pour en faire leur symbole. On la connaît mieux sous le nom de croix gammée. Alors voilà, ça existe depuis 10 000 ans, c'est innocent, ça a été récupéré par une bande de fous il y a 60 ans. Est-ce qu'il faut la condamner ou pas? Ça fait partie de notre patrimoine culturel depuis 10 000 ans. En même temps, on ne peut pas faire comme si c'était rien passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie du patrimoine culturel aussi. Enfin, ça, c'est l'exemple extrême, je trouve, d'une image qui a été détournée. Puis après, on sait plus très bien quoi en faire. Mais il y a des images beaucoup plus subtiles. Je sais pas. Je pense à la musique, Beethoven, Richard Strauss, et d'autres ont été utilisés à des fins idéologiques, à des fins militaires, alors que les compositeurs eux-mêmes n'étaient même pas au courant de l'existence de ces courants qui arriveraient des centaines d'années plus tard, et la musique reste belle, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ne voir que le symbole qui a été récupéré, ou est-ce qu'il faut respecter l'œuvre d'art au départ? Je trouve que c'est une question extrêmement difficile à trancher. Et puis à cette lumière-là, effectivement, je ne peux juste plus condamner cette image de la marche du progrès, qui, à mon avis, représente mal l'évolution, assez biais, etc., mais qui finalement n'était qu'une représentation d'artiste à visée pédagogique, et puis qui est plutôt sympa. Je veux dire, si elle a eu un succès pareil, c'est parce qu'elle est extrêmement charismatique aussi, cette image. Parce que qu'elle soit incomplète, donc, si on regarde la théorie de l'évolution, ça c'est sûr, mais C'est pas le seul cas de figure où on peut retrouver une explication incomplète, parce que en y repensant un peu, je me suis dit, il y a un exemple probant de simplification qui peut sembler abusif, mais qui ne choque personne finalement, c'est l'enseignement de la loi de gravitation décrite par Newton à l'école. On sait maintenant depuis près d'un siècle, depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, que la force de gravitation ne se décrit pas comme l'avait proposé Newton. Newton, lui, disait que la force était proportionnelle à la masse des deux corps et proportionnelle à l'inverse du carré des distances. Lui, Einstein, il parle sur une idée complètement différente. Il dit que la force de gravitation est due à la déformation du tissu espace-temps qui est causée par les poids des objets qui reposent sur ce tissu, des objets stellaires qui reposent sur ce tissu. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus, j'avais déjà abordé ça dans un ou deux dossiers. Mais faut-il pour autant bannir de toutes les écoles du monde l'enseignement de la loi de gravitation de Newton? Enfin, Ouais, c'est marrant comme approche. Ouais. Einstein Moi. a démontré que la force de gravitation s'expliquait pas comme l'expliquait Newton. Ouais. Mais par contre, l'explication de Newton a quand même un certain nombre d'avantages pédagogiques. Elle est simple comparée à la théorie de la relativité d'Einstein. Elle offre une bonne approximation dans les calculs, en tout cas pour les vitesses faibles par rapport à celles de la lumière. Et elle permet aux étudiants de se familiariser avec le phénomène de la gravitation finalement. Ouais, et puis bon, il faut dire aussi qu'elle marche dans un environnement, dans l'environnement expérimental des cours de physique, ça marche. Oui, C'est ça dans des marche, conditions c'est une extrêmes que bonne ça marche. approximation. Ouais, Mais enfin même excellente approximation. l'explication sous-jacente n'est pas celle qu'a donnée Newton. C'est vrai. N'est pas celle qu'a donnée Einstein, tu veux dire. Non, non, ce que je veux dire, c'est que l'explication qu'on nous donne à l'école, qui est celle de Newton, en fait, c'est pas la bonne. Donc, C'est vrai, c'est vrai. voilà, C'est là, on tombe un un peu dans... modèle simplifié, C'est un modèle simplifié, verrouillé. mais qui n'est pas tout juste non plus, mais qui peut avoir un atout pédagogique quand même. Donc voilà, nous on invite nos auditeurs à participer au débat, on ouvre le débat, voir si vous arrivez à nous réconcilier ou si au contraire, on va jamais se mettre d'accord sur ce sujet. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, on est curieux de savoir un peu vos positions là-dessus. Ouais, on mettra peut-être une image de la fameuse marche du progrès. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. En fait, j'en ai beaucoup parlé, mais on l'a pas montré. On mettra peut-être une image, une version marrante de la marche du progrès. Ouais, il y a des versions extrêmement drôles. Mais ouais, ce serait intéressant. Moi, j'ai plus une opinion aussi catégorique depuis que tu as lancé le débat. Clairement, en même temps, ouais. je suis quand même pas convaincu. Toi, ta position est très claire aussi. Ce serait effectivement très très intéressant. J'ai l'impression que c'est une question qu'on peut pas trancher finalement. Non, non, ça c'est clair, c'est difficile à trancher. Mais bon, au moins, t'as lancé le débat. Ouais, mais je C'est serais pas curieux de une. savoir ce que pensent nos auditeurs un peu de cette représentation. Quelle vision ils en ont, voilà, ils la condamnent à tout jamais ou si au contraire ils peuvent y trouver quelques vertus. Et puis il y aura peut-être des perspectives auxquelles on n'a pas du tout pensé. Ouais. C'est des sujets sur lesquels ouais, c'est intéressant d'avoir plusieurs inputs. Donc voilà, le débat est lancé. Sinon, qu'est-ce qu'on avait à dire encore? On avait encore une dernière chose. C'est un petit plug pour les 100 ans de la supraconductivité à Genève. Alors on mettra un lien dans les notes de l'émission. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a une expo à Unimail à Genève. Ça démarre le 15 septembre. Bon, ça dure jusqu'au 12 novembre. L'entrée est libre. Voilà, c'est encore là quelques temps. Par contre, il y a d'autres choses qui durent moins longtemps. Il y a le spectacle Lévitarium. C'est un spectacle muséum. Je n'ai pas très bien compris ce que c'est. C'est dans le cadre du Festival de la Bâtie. Là, c'est du 14 au 17 septembre. Donc, le 14, c'est aujourd'hui. Le podcast, on l'entendra vraisemblablement à partir de demain. Donc, là, il restera déjà plus beaucoup de temps pour y aller. Il y a une journée tout public qui est prévue avec des expériences. Je ne sais pas s'il y a de la lévitation, mais enfin, voilà, quand on parle de supraconductivité, hein, La c'est vite lévitation le spectacle. magnétique apparaît rapidement. Ouais, et puis c'est vite spectaculaire, il y aura des mini-conférences, enfin plein de choses. Le samedi 17 septembre de 14h à 19h à Unimail, toujours à Genève. Et puis une conférence de Koichi Kitazawa, président de l'Agence japonaise des sciences et technologies, le mardi 20 septembre à 18h30 à l'Uni Dufour. C'est toujours à Japon. Moi, je n'ai pas particulièrement inscrit de date dans mon agenda, mais si jamais quelqu'un dans la région, quelqu'un du podcast a envie d'y aller, je suis totalement partant pour faire une virée. L'expo à Unimail, je travaille juste à côté, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Je vous raconterai avant le 12 novembre si ça vaut la peine ou pas. Ok. Voilà, voilà. Et puis, je crois qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire. Je ne me rappelle plus maintenant si on a dit que pour André Kuhn, on reviendrait dessus, on la lirait à l'action la semaine prochaine. Oui. On l'a dit, hein ? D'accord. J'ai une petite coupure là, mais ce n'est pas grave. Oui, donc la réponse d'André Kuhn aux questions très intéressantes de Draculito. Draculito ou Draculita, je ne me rappelle plus maintenant. Draculito. Draculito. Oui, on reviendra dessus la semaine prochaine. Ouais. Ok, donc tout est sur le site déjà, mais on va vous en faire une version audio. Et puis donc, il nous reste que le moment que tout le monde attend, la fameuse quote de Mathieu qui ne change pas avec la deuxième saison. Pourquoi changer ce qui marche, quoi ? Bah oui, on va continuer chaque semaine une petite citation. Mm-hmm. Alors celle d'aujourd'hui, elle est de Robert Sapolsky, un biologiste. Sapolsky. Ouais. Alors, je me suis dit que c'est marrant, je me suis posé la question, puis j'ai vu que son nom de famille terminait comme S-K-Y, donc je me suis dit, est-ce qu'on prononce ah, I ou comme I Sky. Je me suis dit, ou ouais. Comme Sky, le ciel, donc ça devrait se prononcer comme ça. Mais non, ben voilà. Donc, Robert Sapolsky, donc, tu t'en as déjà entendu parler, toi, en fait ? Ouais, mais j'ai lu un ou deux de ses bouquins, et puis il y a des conférences TED, je crois, qu'on trouve en ligne. Je ne sais pas si tu as vu sa tête. Mais... Oui, j'ai vu sur Wikipédia un barbu... Ouais. Alors moi, je l'avais entendu dans des livres audio. Je trouvais le type absolument, absolument incroyable. Puis je suis allé voir sa tête. Et puis effectivement, il a un peu une tête de Cro-Magnon, quoi, avec sa longue barbe et ses longs cheveux. Il y a un décalage total entre l'image qu'on s'en fait sans l'avoir vu. Ouais, donc il est biologiste et professeur en neurologie à l'université de Stanford, rien que ça. Mmh. Alors, il nous dit en anglais, prends note si t'arrives. C'est pas très long, mais. Alors, ouais, j'ai un crayon, allons-y. Frequently, the way to understand a complicated system is to understand its component parts. But that's probably not the case for the most interesting complicated systems, like us. D'accord, alors inutile de dire que j'ai pas eu le temps de tout noter, alors on va essayer de mémoire. Donc il dit, en général, pour comprendre un système compliqué, il faut comprendre les parties qui le constituent, mais ce n'est certainement pas vrai pour des systèmes complexes comme nous. Ouais, c'est pour ça les systèmes les plus complexes comme nous, voilà. Donc, comme l'être humain. Ouais, effectivement, c'est pas parce que tu comprends comment fonctionne chacun des organes que tu vas comprendre comment fonctionne un être humain. Ouais, parce que là, on rentre vraiment dans des systèmes très complexes. Et tout est lié. Et c'est vrai que moi c'est ça qui m'a un peu interpellé, parce que bon, en tant qu'ingénieur, je travaille dans l'informatique. C'est une approche très habituelle en informatique quand on a un problème, un programme à développer. Voilà, on le divise en petites parties, simplifiées, puis après on emboîte tout ensemble. Mais bon, ça reste des problèmes d'une complexité relativement simple par rapport à celle de l'être humain. Et l'être humain, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Ouais, effectivement. On te prive de dessert une fois quand tu as 3 ans, et puis tu le vis très mal et voilà, à 40 ans sans savoir pourquoi. C'est l'effet papillon de la privation de dessert 30 ans plus tard. Exactement. Ou alors, peut-être que c'est comme l'informatique, finalement. On comprend très bien les parties prises séparément, puis dès qu'on essaye de les faire fonctionner ensemble, il y a des gros bugs, on ne comprend plus rien. Je ne sais pas. Non, mais je pense qu'il a fondamentalement raison. Ouais, c'est pour ça que l'intelligence artificielle a si de peine, a autant de peine à atteindre ses objectifs, finalement. Ouais, c'est ça. Mais même si, finalement, dans l'approche scientifique, c'est exactement ce qu'on fait, hein, que d'essayer de comprendre des parties d'un problème, enfin de réduire la complexité au maximum, à s'attaquer à un problème à la fois, comme on le fait dans l'informatique, pour comprendre petit bout, progresser petit bout par petit bout. C'est la même chose en médecine aussi, finalement, où... Ouais, les spécialisations sont quand même hyper précises. Tu débarques, je sais pas, chez un orthopédiste parce que tu as un problème au pied, il va pas aller vérifier que, je sais pas moi, tes oreilles ou ta vue fonctionnent bien. Ah, mais c'est peut-être dû aux acides gras qui sont Et si coincés ça se trouve, dans exactement, une si ça se trouve, artère et ça ouais. donne des problèmes de circulation dans le pied. Bah ouais. Et voilà, et là on tombe dans une complexité assez ardue. Ouais, je pense qu'effectivement, simplifier le problème pour une première approche, c'est sans doute le meilleur moyen, mais à un moment donné, il suffit pas d'additionner les parties pour arriver au tout, quoi. Et c'est spécialement vrai pour Et l'humain. c'est d'autant plus vrai qu'il y a des propriétés émergentes qui naissent justement par l'interaction de ces composants entre eux. Ces composants pris séparément ne feraient pas apparaître certains phénomènes émergents. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que j'ai eu une grosse coupure de mon côté. Ah. T'as dit ces composants pris séparément ne feraient, et puis après j'ai pas eu la suite. Non, j'ai dit que des phénomènes émergents souvent sont liés justement aux interactions qu'il y a en toutes les composantes d'un système complexe. Et si on prend ces composants séparément, ben voilà, ces phénomènes émergents n'apparaîtront pas. Exactement. Ouais. Bon, bah dis donc, c'était une quote bien inspirée. Là, on a à nouveau de quoi méditer pour une semaine. Ouais. Formidable, ça m'avait manqué. Eh ben, je suis content qu'elle t'ait plu. En tout cas, aujourd'hui, longue émission. Je crois qu'on approche l'heure et demie. Donc, Ah. on va pas tarder plus longtemps. On va vous laisser. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité. C'est magnifique, on se réjouit. Bonne semaine, À à bientôt, bientôt. ciao. Ciao.